1959, tes jupons protègent des feux. 1959, tes jupons, ton courage sauve un pays du feu. L'Algérie te doit tellement, tellement, que j'ai du mal à croire en ton enfermement. Yes, je sais pas, à cause de la famille. Ouais, je sais, ces mots frappent tes oreilles. Je sais aussi que pour renaître de tes cendres, t'as pas ton pareil. Yes, je sais pas, ça fait des milliers d'années que tu fais croire aux hommes qu'ils dirigent. Yes, je sais pas, 1999, l'Algérie saigne, tu te dévoiles, et là le temps se fiche. Un exemple dans tout l'Orient. Dans tout l'Orient. Dans tout l'Orient. Bente Bledi, yes, Sheba, je t'ai vu dans les manifestations. Yes, Sheba, je t'ai vu armer tes yeux de révolte contre le sang. Yes, Sheba, je t'ai vu député pour la modernité avec tant de réflexion. Yes, Sheba, j'aimerais te voir à la place que tu mérites. J'aimerais te voir présidente pour l'instruction de mes enfants. Pour le salut d'un peuple depuis tout temps bâti sur tes épaules. Depuis tout temps bâti sur tes épaules. Dans ce monde, la place des femmes est dans le silence. Pourquoi pour le même résultat, ils font le double de ce que je fais? Dans ce monde, la place des femmes est dans le silence. Pourquoi pour le même résultat, ils font le double de ce que je fais? Dans ce monde, la place des femmes. De l'homme, certaines femmes prennent ses mauvais côtés. Commencent à se transformer, à vouloir l'égalité. Un désir de supériorité leur fait perdre leur naturel, leur qualité. Depuis la nuit des temps, de mauvaises actions par l'homme ont été réalisées. J'espère que la femme, dans son combat, ne va pas faire les mêmes erreurs. Mais je pense qu'on a assez d'exemples pour leur faire confiance, de plus avoir peur. Les folles de la place de mai ont sorti l'Argentine de la terreur. Et après en France, en politique, on les laisse à l'environnement et au sport, au lieu de les mettre à l'intérieur. Pas juger souvent leur potentiel, pourtant c'est leur façon de penser. Et pas leur apparence qui est essentielle. Dès 6h du matin, déjà faut qu'elle se lève. Depuis l'âge de 14 ans c'est pareil. Préparer le déjeuner pour sa mère malade. Habiller ses petits frères pour aller en classe, y'a pas de trêve. Aujourd'hui elle en a 24. Mariée, deux enfants, Angélique doit s'en occuper. Et partir travailler après la fac. Des problèmes, elle en a plein son sac. Le mari à longueur de journée, entre chantier et bistrot. Le soir elle fait à manger pour ensuite faire le ménage. La sueur de son front tombe comme ses bras le voudraient. Il est 21h, lui rentre les yeux rouges. Le repas est froid, les enfants se couchent. Rouge comme l'est le visage d'Angélique après la colère de son mari. Rouge comme ses cris que personne ne veut entendre. Enfin presque. Police, ouvrez. Putain, t'as appelé les flics, espèce de salope. Bonsoir monsieur, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui se passe là? On nous a appelé pour tapage nocturne. Mais non, c'est dispute dans le couple, vous connaissez ça? Bon, on n'a pas que ça à faire, hein. Fais-moi se débrouiller, s'il vous plaît. Pas de problème, monsieur l'agent, bonsoir. Connard, ça va? Tu crois que tu vas me la refaire? Dans ce monde, la place des femmes est dans le silence. Pourquoi pour le même résultat, ils font le double de ce que je fais? Dans ce monde, la place des femmes est dans le silence. Pourquoi pour le même résultat, ils font le double de ce que je fais? Dans ce monde, la place des femmes est dans le silence. Pourquoi pour le même résultat, ils font le double de ce que je fais? Dans ce monde, la place des femmes est dans le silence. Pourquoi pour le même résultat, ils font le double de ce que je fais? Courage et volonté, les femmes doivent avoir. Comparé à des défouloirs, même en temps de guerre. Torturer, violer, les enfants enlevés, ce qu'elles ont dû souffrir. C'est pour ça qu'un meilleur futur on doit leur offrir. Par l'homme souvent rabaissé, marte encaissé, à leur place on serait déjà éprouvé. C'est pour ça que pour moi elles n'ont rien à prouver. Chacun a ses caractéristiques mais toutes deux sont complémentaires. C'est une d'elles qui m'a appris les chances de la vie élémentaire. Et de toute manière, en général les personnes en qui on tient le plus sont nos femmes et nos mères. Il paraît évident que si Dieu a créé deux espèces c'est pour qu'on soit différent. Personnellement, je ne peux pas vivre sans elles. C'est comme si un ange voulait voler sans ses ailes. Des choses gentilles et sincères qu'on ne leur dit pas assez. Préférant cultiver le passé, garder le soi-disant pouvoir qu'elles aussi ont le droit d'avoir. À coup sûr, meilleur cortège du futur de nos familles qu'elles protègent.